bague au doigt. Si on se voit toujours, c'était un bon. Au fond, j'ai pas besoin de toi. 80 kilos, mais ma tremont passe plus lourd que mon bras. J'en veux toujours plus, je suis beaucoup plus. Comme je respire, je m'arrête pas. J'suis dans le fait avec une tisse, mais elle sait que je connais ses grands frères. Mais la copine, elle se laisse faire. J'suis dans le C63 coupé. J'peux pas la laisser conduire. Si elle cartonne, je vais devoir tout. Je me remets maintenant t'es quelqu'un. Essaie de moi traîner à la cité. Surtout attention aux femmes. Martinier, c'est peut-être Satan. Je mets tes potes par sur toi. Tellement que je peux pas te les citer. Ce qui est sûr et certain, j'aurais blindé à vendre dans mon cercle. C'est trop. Encore une au garde, c'est trop. Aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Hier et demain, c'est la même. Et putain, laisse tomber, c'est trop. Et putain, laisse tomber, c'est trop. Et putain, laisse tomber, c'est trop. Je viens de là où la drogue est le meilleur commerce. Sous les dealers de CV, c'est plus que des fous de bi. On chargeait, déchargeait pendant que tu criais. Et si tu fais mon frère, moi ça toujours elle. On surveille tes haines, là je m'endors sur la plage. Traîne qu'avec des mecs qui connaissent que la drogue est pour des services. Ils vont te payer en dos. Et regardez pas la peau d'un mec depuis mon premier tête, j'ai la main cassée. Et les cicatrices sur mon cou me rappellent que mon putain de passé était difficile. Nique sa mère les étoiles filantes. Les seules étoiles j'ai vu sauter l'eau. Y'a que quand je rencontre que mon cœur s'appelle. Y'a que dans les besoins que la vie est belle. Je me remets maintenant t'es quelqu'un. Essaye de m'entraîner à la cité. Surtout attention aux femmes. C'est peut-être Satan. Tu mets tes potes par sur toi. Tellement que je peux pas te les citer. Ce qui est sûr et certain, j'aurais blindé à vendre dans mon cercle. Oh, et putain laisse tomber, c'est trop.